Tu veux surtout de la compagnie. Oh! Tu veux de la compagnie. Tu fais la parade? Tu veux montrer ton beau plumage? Ah oui. C'est vrai que t'es belle. Tu fais des contorsions.